Le jour vient, le souffle, la lune. Les vagues s'éveillent, ma vie, et se mettent à danser au soleil. Retrouver dans les bras d'une valse d'été. La mer tend ses bras de mousse. Et le sable à la peau si douce. Et c'est bon de rêver, de marcher dans le ciel sur le fil d'une valse d'été. Yeah.